est devant Dieu. Parce que ici, c'est notre. La Bible déclare que Dieu est esprit. Adorer, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Je te laisse que ton esprit, ton cœur, c'est au devant de Dieu. C'est lui qui est assis au trône. Fait par toi, pour toi. À toi la gloire. Tout est à toi, par toi et pour toi. Reçois notre adoration, très son du très fond de nos cœurs, qui est adorable. Adorable mystère. Qui est adorable. Adorable mystère. Seigneur, parle à nos matins. Merci pour ta paix. Sanctifie ta cœur. Saint-Esprit, prends-nous en charge et accomplis ta parole dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur, il me va. Alléluia. Shalom. Vous allez bien? Je peux voir ce qui vaut bien. Ah, gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Alors j'ai dit au premier culte, pendant les cultes, et où nous sommes, et qu'il faut considérer comme normal. Parce que ceux qui vivent dans le désert où il y a poussière, ils portent les masques. Et ce n'est pas un problème pour eux. Ça les aide à ne pas avaler la poussière des poumons. Amen. Et c'est important de respecter cela. C'est un mode de maturité aussi pour nous et de discipline. Donc, lorsque nous portons les masques, nous respectons les principes qui sont édictés. Ça prouve que nous avons grandi. Amen. Et Dieu nous aide. Ça va finir bientôt. Parce que Dieu est en contrôle. Nous avons vu les dimanches que la 19 n'est pas suprême. Vous vous rappelez? Il y a quelqu'un au-dessus qui va arrêter ça. Depuis des siècles, il est toujours intervenu. Et il venir encore. Amen. C'est pour des marches de prière. Chaque samedi, mercredi. Lundi, nous allons dans nos cellules. Mercredi, nous marchons dans la prière. Et nous marchons pour la nation K. Et le Dieu des cieux qui est encore. Il résout. Alléluia. Alors ce matin, nous pourrons dire le zèle de ta maison, mais suite. Alléluia. Et nous avons commencé de parler de Dieu qui est manifesté au travers de l'évangile ou de la parole. Nous avons vu au travers de Jean chapitre 2 à 17, et au verset 17, Les disciples qui étaient autour, lorsqu'ils voyaient Jésus terrible dans le temple, en train de chasser, en train de renverser les tables, en train de frapper les... Ils se sont rappelés que, c'était psaume 69. Les ailes de ta mort me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. Dans les réunions prochaines, on va en profondeur par rapport au sens du thème. Le dimanche passé, nous étions en train de se produire pour montrer comment le zèle peut arriver, monter dans notre cœur. Et nous avons vu l'un des facteurs qui vont faire monter le zèle de Dieu dans notre cœur, c'est la connaissance profonde de Dieu. Tant qu'on ne connaît pas, il est difficile de s'engager dans les choses qu'on ne connaît pas. Vous êtes d'accord avec moi? Les gens qui ne connaissent pas ont du mal à s'engager dans les choses qui concernent Dieu. Il se dit, vous vous rappelez de Moïse qui apparaît chez le pharaon et il lui dit, laisse ir mon peuple afin qu'il me serve 3 jours. Et Pharaon répond et dit, Moïse, je ne connais pas l'Éternel et je ne ferai pas sortir le peuple. Ah bon? Ok. Donc, on va se rencontrer maintenant. Et le combat a commencé jusqu'au jour où le pharaon Moïse s'est regardé en arrière. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu passer, partager sur la nature de Dieu ou les caractéristiques du propriétaire de la maison en question. Donc, bientôt, l'essence de la maison. Et si vous voyez le zèle, frères et sœurs, vous devez vous armer de la profonde connaissance de ce que Dieu est en nature, en œuvre, en attitude envers les êtres humains, même envers la création tout entière. Quand est l'attitude de Dieu envers la création, l'attitude de Dieu envers les êtres humains, et tu comprends ce qui se passe dans son cœur? Frère, être zélé comme jamais, personne, et on va se voir. Nous avons montré le dimanche passé, dans Nombre chapitre 25, l'expérience de Phinéas, qui zélé, ou ayant compris, ayant compris l'attitude. Il y a presque 24 000 morts, pays, à cause du péché. Ils sont en train de se repentir. Et Phinéas sent ce que Dieu sent. Phinéas comprend ce qui se passe. Phinéas connaît Dieu. Les ailes de mon cœur. Et il voit Cosby aller dans sa pièce avec une femme étrangère, raison pendant ce jour-là. Il coupe sa lance et il les transperça tous les deux. Vous pouvez voir cela dans Nombre chapitre 25. L'aile de la maison de Dieu proviendra où notre cœur à la mesure où nous comprenons Dieu dans sa nature, dans ses œuvres, dans son amour envers nous, dans sa sincérité envers les autres, dans son attitude envers la création. Nous comprenons quelle est l'attitude de Dieu envers même la création. Alors, le de sa maison monte. Parce que nous ne voulons pas supporter que quelque chose de contraire, que quelque chose de bizarre produise à notre présence. Ça, je ne supporte pas. Ça, je ne perds. Alléluia. Alléluia. Un vrai fils, c'est celui qui est peut-être capable d'être du zèle de la maison de son père. Une vraie fille est animée du zèle de la maison de son père. Et il ne supportera pas. Elle ne supporte que des choses qui vont à l'encontre de l'avancement de la famille se produisent. Ne supporte pas que le diable vienne s'amuser chez eux. Parle à quelqu'un. Un vrai grand frère ne sait pas que des petits messieurs viennent tourner aux petites sœurs. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Allô? Le voyou tourne autour de sa petite sœur. Les ailes de sa maison vont le dévorer. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et nous avons vu au travers de l'écriture quelques caractéristiques. Nous avons vu que Dieu est Dieu suprême. La pandémie n'est pas suprême. L'19 n'est pas suprême. Du reste, ça s'appelle 19, nous sommes à 20. Covid-19, ce sont les hommes qui ont baptisé ça comme ça. Nous sommes à 20, nous arriverons à 21. Tu es Covid-19, reste à 19. Nous, on avance avec l'Éternel. Et comme Covid n'est pas suprême, c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus que nous avons appelé le Dieu très haut. Il est très haut. C'est-à-dire, il est au-dessus de tout. Au-dessus puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature, et de créer comme la pandémie. Au-dessus de la sagesse. Qui peut mesurer sa dignité? Oh, oh, oh, oh. Crucifié, abandonné de tous, mourir et jeté comme il rôde, écrasé sous les pieds. Dieu suprême, frère. Qu'est-ce qui te terrorise dans ta vie? Qu'est-ce qui s'impose? Un voisin, un occultiste? Qu'est-ce qu'il prétend? Qu'est-ce que la mort? Nous avons les dieux suprêmes. Il est écrit, il l'a des hommes à dérision. Alléluia. Il est suprême, mais il est aussi très haut. Il est aussi le tout-puissant, c'est-à-dire tout-puissant. Vous voulez que ça? Il est tout-puissant. Il n'y a pas une puissance qu'il manque. Il n'y a pas quelque chose qui nécessite l'interaction et qui dépasse Dieu. Vous voulez voir Dieu? Exposez votre... Et vous allez voir comment il est puissance. Sa puissance est disponible. Sa puissance au siècle. Sa puissance vit vie parce que même avant que tu sois ici, la puissance de son amour fonctionnait envers toi. La puissance de sa bonté a fonctionné envers toi. Pour Dieu, les tout Tout-puissant créateur, prince de paix. Parfois, on chante des choses, des réalités spirituelles. Il m'est sauvé, il m'égale à jamais. Merveilleux, en sauvé mon roi. Oh, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il est tout-puissant. Il n'y a aucune guerre, armée, qui échappe ou qui peut prétendre se lever face à Dieu. Aucune. Aucun défi dans l'univers. Sa puissance contrôle les astres, les galaxies. Elle contrôle les voies lactées. Sa puissance. Tout puissant. Sa puissance contrôle les cellules. Oh, akaka cellule kaliaribika. Toi, en principe, normalement. Hein? Sa puissance contrôle toutes choses. Nous avons intérêt à permettre à l'option de la puissance de Dieu de venir dans notre corps. Il y a certains qui sont déjà confortés avec leur diabète, leur hypertension, avec. Si tu vois, hypertension, yangu. Tiens, yako. Ulishaka ipati à chambre. Je mens. On l'appelle tout. Tout puissant. Très haut. On l'appelle aussi les dieux créateurs. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Qui t'a dit de créer? Qui t'a conseillé de créer? Et créer aussi d'autres choses, oui. Est-ce que ta puissance s'est épuisée? Au sixième jour, la Bible dit, le septième jour, il s'est reposant. Est-ce qu'il s'est reposé parce que la puissance s'est achevée ou a disparu en lui? La puissance de créer toujours là, même maintenant là. C'est comme ça qu'il continue à créer par les êtres et les nations. Au-delà de la procréation, il crée. Dieu, bon, il est le premier et le dernier. Il est aussi le Dieu terrible et redoutable. Tu as des ennemis, frère, sœur. Il y a des ennemis. Amène avec toi les dieux redoutables. Et repose-toi. La Bible dresse devant moi une table en face de mes adversaires. En fait, passe. Lorsque tu es assis à face de tes adversaires, les adversaires se calment. Parce qu'il constate que le Dieu terrible est là avec toi. Ils n'ont qu'à se calmer. Et tes adversaires vont se calmer à partir d'aujourd'hui. Et cela est vrai. Et tu le verras. Qui est en montagne? Tu seras aplani par qui? Par ma main, non. Mais la main du Dieu Tout-Puissant. C'est incarné dans ma main, de sorte que j'ai le temps. L'ennemi ne voit plus ma main, mais du redoutable. Et il se demande, c'est toujours la vie, tu manges avec le foufou. Non, non, ce n'est pas juste cette main que tu vois là. La main du Tout-Puissant est dans ma main. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez. Vous pouvez aller. Alléluia. Il est aussi le précipiteur de Satan. Il précipitait Satan. Nous avons vu le dimanche passé. Il est aussi le Dieu mystère. Mon mystère. Pourquoi tu t'étonnes de moi? Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Parce que tu ne peux pas tout comprendre. Pourquoi? Le Dieu mystère est en moi. Tu n'es pas censé tout comprendre. Alléluia. J'appelle mon mystère parce que il est mystère. Depuis le commencement, depuis l'éternité, il est mystère. Dis à ton voisin à distance, j'aimerais qu'un mystère Dis-lui à distance. Je marche avec un mystère. Il y a un moi. Est-ce que tu as conscience de ça? Il y a un toi. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle Dieu, le mystère. Donc, c'est donner de la peine pour comprendre ce qui se passe en moi. Tu ne comprendras pas le mystère. Il s'appelle mystère et il opère. Il est opérationnel. Puis, le Dieu mystère. Ce Dieu-là mérite toute la dignité. Il mérite que toute la création le reconnaisse. Il mérite. Il mérite qu'on le fiance. Et il mérite notre zèle. Il mérite notre zèle, ce Dieu-là. Et ton zèle activé va s'allumer à la mesure où tu approfondis ta connaissance de ce Dieu. Ni du sort, c'est que l'homme que nous sommes est le bénéficiaire principal de toute l'action. Nous sommes bénéficiaires principaux des œuvres de Dieu, de toute la création du ciel et de terre. Au point que certaines choses au ciel sont à notre service. C'est-à-dire les anges de Dieu sont à notre service. Non seulement les choses de la terre sont à notre bénéfice, mais même aussi les anges de Dieu sont à notre service. Il est écrit dans Hébreux, premier verset 13-14, et au verset 14, par là des écrits, ne sont-ils pas tous des esprits au service pour exercer un ministère à faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges, tu as tout mis à notre service. Le soleil nous sert, les étoiles nous servent, la terre nous sert, le diamant de Mbujima nous sert. C'est vrai. Le coltan de Walikal nous sert, l'atmosphère nous sert, l'endunda, vous connaissez l'endunda, le lac qui vous nous sert, les poissons nous servent. Nous sert. Et puis, tu vas même prendre les au ciel pour qu'ils nous servent. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu pense à lui? As-tu déjà imaginé qui es-tu pour que Dieu tourne toutes choses comme cela à ton service? Un Dieu si grand peut tourner toutes choses au service d'une petite fille, au service. Qui est cet homme? Parce que Dieu nous est à son image. Acclame le Seigneur pour ce que tu es. Je bénéficiais. Le bénéficiaire. J'imagine que Satan, lorsqu'il est jardin d'Éden et qu'il cherche à frapper Adam et Ève, il se rendait compte que tout est au service de l'homme. Malheureusement, il a réussi à bousiller la chose. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Ce matin, il est venu te dire, par son fils unique, dans Jérémie 31, verset 3, de loin, il se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve, ma bonne. Il est venu te dire dans 65, 8, ainsi parle, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne l'a pas car il y a là une bénédiction. J'agirai pour l'amour de mes sœurs afin de ne pas tout détruire. Tu es précieux. Le Seigneur te dit aussi ce matin, à Ésaïe 46, verset 3 à 5, vous que je charge depuis votre origine, que j'ai porté jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Et puis il dit, je vais encore le faire. Je vais vous porter. Je vais encore vous soutenir. Je vais encore vous sauver. Au verset 5, j'aime Il dit, l'Éternel, à qui me comptez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous pour que nous soyons semblables? Frère, Dieu est suffisant en lui-même. Tu n'as pas besoin de le comparer à quelqu'un. Les filles qui t'ont comme envoûté ou comme disait, qui t'ont aveuglé, n'est qu'éternel. Tu ne peux pas comparer Dieu avec ton diabète, avec ta maladie. Dieu est au-delà par rapport à chaque défi, chaque défi collectif, chaque défi mondial. Dieu, il est suprême, il est tellement au-dessus que le problème que vous lisez dans les journaux, que vous voyez que dans votre famille, sont des petits problèmes devant les grands de l'univers. Et il est celui qui vous dit, pour l'amour, j'agirai et je suis venu pour toi. Et ce matin, il est au rendez-vous. Si tu étais venu seul, il serait venu pour toi seul. Alléluia. Merci. Dieu est conscient de qui il est. Dieu est conscient de qui il est. Il dit dans Jérémie 32, verset 7, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Ou une réponse? Dieu pose la question à l'inconnu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant de ma part? Réponse? Quelle est la réponse? Rien. Je crois que la question, il savait quelle était la réponse. Dieu est conscient de quelque chose. Et puis, Dieu s'est mis au service de l'homme. Dieu a fait toutes choses au bien de l'homme que nous sommes, de l'homme que tu es, toi. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais partager ce matin sur Yahweh dans son déploiement pour l'homme et pour toi particulièrement ce matin. Dieu dans son déploiement ou dans son système opérationnel. Dieu dans ses opérations. Dieu se présente dans son déploiement. Il se présente de différentes manières. J'aimerais partager sur quelques manières dont Dieu exerce son déploiement, ou alors Dieu déploie cette super puissance qui il engendre l'existence. Il maîtrise l'existence qu'il a engendrée. Nous faisons partie de l'existant à engendrer. Nous en faisons partie. Alléluia. Premièrement, Dieu exerce son déploiement par sa capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu, tu dis, est le suprême, le très haut, tout puissant, le redoutable. Mais comment ça vit ça? Comment on va palper ça? Première nation, nous le vivons lorsque ton opération appelle à l'existence ce qui ne. Il est écrit, chapitre 13, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons formés par la parole de Dieu, en sorte que la foi n'a pas été faite des choses visibles. C'est-à-dire, les solutions ne viendront pas nécessairement des choses visibles. Elles viendront de la Dieu. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Quelle chose? Parfois des choses qui n'étaient pas là. Else. Dans Exode chapitre 17, verset 1 à 6, Dieu fait sortir l'eau du. Alléluia. Il va aussi faire sortir des solutions pour toi, là où on n'imagine pas qu'elles peuvent sortir. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que ta requête reste quelque chose qui n'existe pas? Ne te lasse pas de prier. Vas-y. Demande, Parce que ce qui n'existe pas dans l'invisible. Et les choses visibles sont produites par la source de l'invisible. Visible, c'est Dieu. L'invisible est suprême, c'est Dieu. Qu'importe le degré, la gravité ou l'ampleur que tu demandes, ça existe dans l'invisible. Si tu cherches ça chez ton oncle, cousin, chez ton père, chez ta maman, tu peux ne pas avoir. C'est Dieu. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as 10 ans dans le chômage. Va auprès du Seigneur. Appelez le travail de nulle part. Alléluia. Alléluia. Avez-vous vu qui avait des problèmes et qui ont conçu et ont porté leurs enfants? C'est passé, l'Éternel a appelé à l'existence, n'existait plus dans tes entrailles. Il a remis les choses qui n'existaient plus. Il a réinstallé. Il a refait les choses. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu te promet quelque chose, frère et sœur, ne t'évertue pas de chercher à poser la question, va le faire. Seigneur, tu vas faire ça comment? Quelle sera la méthode? Pas ton affaire. Limite-toi à croire au Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il t'a promis, attends. Il est écrit dans Habakkuk, attends la promesse, car elle ira. Elle s'accomplira. Deuxième voie d'opération, c'est la voie au pouvoir de résurrection. Il ressuscite les morts. C'est Dieu. Genèse 9 à 14, il est écrit, Sarah rit de la promesse. Et elle dit, comment ai-je un fils à cet âge? L'Éternel lui dit, l'année prochaine, enfant, elle rit. Pourquoi tu ris? Installations ont déjà séché. Il n'y a plus rien. Elle lui dit, tu ris, d'accord, mais l'année prochaine, tu auras un enfant. Et l'apôtre Paul renchérit dans Romains 4, 19 à 20, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que le corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Dieu a donc ressuscité les installations pour porter Isaac. Que Dieu ressuscite aussi tes installations. Les médecins ont prononcé des paroles. Les médecins ont diagnostiqué des choses. Les dieux de la résurrection ressuscitent aussi tes enfants. Et à partir de maintenant, sois à l'aise parce que l'année prochaine, tu auras aussi ton enfant. Je le dis de l'Éternel. Et si tu crois à cela, tu le reçois. Tu verras s'accomplir. Alléluia. Le pouvoir de la résurrection. Il est écrit au verset 21 de 4. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il a aussi le pouvoir d'accomplir. On a vu la virus. Jésus-Christ entre dans la maison et dit sort. Et puis il la tient la main. Et dit. Elle revient à la vie. Alléluia. On voit les fils et la veuve de qu'on amène à l'enterrement dans un cercueil. J'imagine on transporte le cercueil avec un cadavre dedans et un garçon. Et Jésus rencontre ces gens à l'enterrement. La Bible dit Jésus toucha le cercueil. Le garçon se releva et s'assit dans le cercueil. Amen. Le cadavre s'est relevé et il s'est assis. Okay. J'aurais bien voulu leur conseiller de retourner parce que le cercueil a été changé à Tupoy. Vous voyez ce cercueil? Les gars, on allait à l'enterrement. Maintenant, on rentre à la maison. Le garçon est assis sur le Tupoy. Il lit au fallement. Et on rentre à la maison. Et ils voient le cortège revenir. Mais ils voient quelqu'un ici dedans. Il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, quelqu'un a couru à la maison pour annoncer que vous savez bien Yébiko? C'est-à-dire, connaissez-vous les voici? Nous sommes arrivés à rencontrer un monsieur qu'on appelle Jésus. Il a touché. Le garçon s'est assis. C'est celui que vous voyez, le cortège à venir. Je voudrais annoncer à quelqu'un, frère, sœur, l'homme de ta famille, les sorciers de ta famille étaient en train de la tombe. Et il disait, elle a 48 ans. À la fin de cette année, 4 mois, elle est morte. Ils sont en train d'aller avec toi dans la tombe. Ce matin, Jésus touche ton cercueil. Et tu retournes à la maison. Et tu vas vieillir. Ils vont s'étonner que, pourquoi celle-là? Pourquoi celui-là a pu traverser les 48 ans? Il a pu traverser les 100. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a touché le cercueil. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Ils te laissent retourner à la maison triomphant, vivant, bonne santé. Et tu vieilliras à bonne santé. Alléluia. Je le dis de la part de l'Éternel. Tu vieilliras à bonne santé. Les paniers des offrandes vont commencer à circuler. Les offrandes dedans. Alléluia. Le pouvoir opérationnel de Dieu. Lazare, Jean chapitre, vous connaissez. Il n'est pas seulement mort, mais il est déjà. Il n'est pas dans un cercueil en train d'aller à l'enterrement. Déposé dedans. On a même fermé. Il est dans les laisselles. Il déjà. Et Jésus dit au terre. Ensuite, il déclare, Lazare, sors. Et Lazare, qu'est-ce qui est étonnant devant Dieu, mes frères? Qu'est-ce qui est déjà pourri pour toi? Quelle est cette situation qui est déjà une pourriture, c'est déjà une pourriture pour ta vie? Les dieux très hauts, les dieux suprêmes qui ressuscitent. Qu'elle revienne dans ta famille. Que la résurrection vienne dans tes enfants. Que la résurrection vienne dans tes champs. Que la résurrection dans la vie de tes enfants. Que la résurrection vienne dans ton corps. Les choses qui sont mortes dans ton corps ressuscitent. Au nom de Jésus. Ce sera ainsi. Alléluia. Troisième opération. Puissance de Dieu. Ce que Dieu est. Se manifeste de manière opérée par sa capacité de renverser l'irréversible. Wow. Il y a des choses qui paraissent irréversibles. Ça paraît perdu. Et tout le monde. Paul, tu peux leur dire, reprenez vos pôles. Parce que j'ai rencontré qui renverse l'irréversible. Reprenez vos. Alléluia. On a besoin de société quand une soeur a 35 ans. On commence à lui dire, hey, Paul et ma soeur. Paul. Quelqu'un a écrit, j'ai 30 ans. Oh. Ça paraît irréversible. Bien-aimé. Que soit l'âge que tu atteins, 40 ans, 50 ans, les maris. Alléluia. Je vous ai parfois passé le témoignage d'une sœur qui est priée pour elle. 52 ans. Et la même année, elle a eu. Et la même année, elle a conçu et elle a mis au monde. Où est partie la ménopause? La ménopause dans le célibat. Maintenant, je suis dans la phase de l'été renversée. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit, comme l'âge avance, le mariage est perdu? Qui t'a dit ça? Tu vois, j'ai grandi. Hein? Il y en a même qui essayent de trouver des solutions palliatives. Comme j'ai grandi, il faut que je me débrouille. On peut même dire Suniza Leako. C'est venu t'annoncer qu'il renverse l'irréversible. Il est le Dieu de l'irréversible. On priait tout à l'heure. Frère, si Dieu de toutes ces manières-là, c'est cela même, on pourrait dire les guettes, les portes par les... Si tu as un cas qui ressemble et qui a besoin de l'irrévérence dans cette porte, si tu as un cas qui ressemble ou qui demande l'intervention, l'opération de Dieu dans la résurrection ou dans l'appel de l'existence à l'existence, ce qui n'existe, tu entres dans cette porte et tu appelles le Dieu suprême et il entre pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas ou pour raverser irréversible à réversible. Il qui est déjà déclaré perdu. Quatrièmement, dans son opération, vous pouvez prendre Ézéchiel 7 et Daniel 3, 14 à 30. Quatrièmement, il opère par cité d'écouter à la fois tout le monde. Ne te considère pas comme marge. Dieu a la puissance d'écouter tout le monde sur et d'exaucer tout le monde. Invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, ok, c'est lui qui veut. Invoque à Goma, quelqu'un invoque en Australie. Et Dieu écoute. Et il exauce tout le monde. Dieu n'est pas paniqué par la quantité des appels qui viennent de la terre. Il exauce dans son opération sur toute la terre. L'Éternel parcourt la terre de son regard pour soutenir tout et tout entier. Il va te repérer ce matin. Parle-lui avec assurance. Va devant cela. Entre dans une porte, dans une de ces portes et obtiens ce qu'il prévoit pour toi ce matin. Ce n'est pas avec ce matin. Cinquième, il est aussi, vous pouvez prendre Psaume 63 et Jérémie 33, 3. Cinquièmement, aussi dans l'opération par sa capacité de faire des mondes. Il peut faire. Par la puissance qui agit au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Il peut faire. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Bwana sifi. Est-ce que tu veux te lever ce matin et prier rapidement? J'aime mieux avoir Christ que l'autre. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux savoir Christ, quel art le plus grand. J'aime mieux qu'il me guide par sa mère. Merci que les cœurs en bas vêtus de l'opportunité, tu vois, tout ce qu'on vient de partager ne sera possible que à la mesure où tu es rentré dans la famille de Dieu par la conversion, la nouvelle naissance. Tu ne peux pas parler à ces choses si tu es encore en dehors de la Dieu. Je te donne l'opportunité. Il t'aime et il a tout fait concourir à ton bien depuis l'éternité. Il te veut du bien. Tu lui donnes ta vie. Tu vas vivre ces choses. Et si tu es là, lève ta main, je prie rapidement avec toi avant. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Lève la main là où tu te trouves. Et avec toi. Je ne vais pas te demander de venir ici devant. Raison de distanciation. Merci ma soeur. Merci mon frère. Lève la main, je vais prier avec toi rapidement. Le Seigneur, dites Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin. Merci pour ton amour démontré depuis la création en faisant faire toutes choses à mon bien. Que j'étais informe dans les seins maternels, tu m'as aimé. Et depuis que je suis Seigneur, tu m'aimes et tu continues à m'aimer. Mais j'ai marché loin de toi, pardon, par Seigneur. Je te donne ma vie. moi ce matin. Je te suivrai. Accepte-moi dans ta famille. Introduis-moi dans l'arène des bénéficiaires de toute la création. Introduis-moi dans l'arène des bénéficiaires de ta puissance. Ce matin, je marcherai avec toi. Tout le reste est mal. De Jésus-Christ. Amen. Nous levons nos mains ensemble. Et tu veux prier avec moi. Commence à penser au Dieu. Et en face à ce que Dieu est. Dans sa puissance. Et regarde à ce que Dieu est. Dans son cœur qui t'aime. Dans ses promesses. Depuis ton origine, il t'a aimé. Et quel est ce défi? Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani parce que le Dieu redoutable est dans ces lieux ce matin. Terroriser l'ennemi pour déraciner, pour arracher, pour détruire, pour renverser, pour ramener à l'existence, pour inverser l'ivre. Prie avec moi, dites Seigneur mon Dieu, voici, tel que je suis dans ta maison, place et solution à mon problème. J'ai été malade depuis longtemps. Ce matin, j'ai appris que tu guéris. Guéris-moi maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'ai appris que tu renverses l'irréversible. Renverse mes irréversibles ce matin. J'ai appris que tu appelles à l'existence ce qui n'existe. Mon problème, demande pas. Mais ces solutions existent chez toi. Seigneur, j'appelle les solutions à ton nom. Commence à prier. Prie spécifique. Parle à Dieu de manière spécifique. Parle à Dieu de manière spécifique. Le Dieu de l'irréversible. Le Dieu qui est une terreur. Le Dieu qui est une. Il terrorise tes ennemis. Il terrorise ce matin. Le Dieu de la terreur de l'éternel. La terreur de l'éternel de tes ennemis. La terreur de l'éternel atteint. La terreur de l'éternel atteint les sorciers. La terreur de l'éternel affecte les sites qui t'ont détruit. La terreur de l'éternel, l'éternel s'installe dans ta vie contre tes ennemis. Au nom de Jésus, quelqu'un prie le Seigneur. Prie avec zèle. Prie avec zèle. Frère, sœur, c'est maintenant. Ôte la réponse à ta propre. Obtiens la réponse. Akabaya basete la bosse. Yeka yaka bashata yeke leso. Yeke yebo sata. Ina matine mo Jesus. Lord my God, you are the same. Yesterday and forever. Tu es le même Yahweh Dieu. Ne change pas. Ayaka basha. Je vais prier avec toi. Mets ta main sur ta poitrine. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé. Je prie pour le problème qui tient cet homme à cœur. Je déclare ce problème au nom de Jésus. À ton serviteur, ce problème est déclaré résolu. Quel que soit son degré, quel que soit ses montagnes, tu es ébranlé dans la vie de cet homme et cette forteresse, tu es au nom de Jésus-Christ. Difficulté de conception, difficulté de progéniture, tu es résolu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom du Dieu suprême, je te guéris au nom puissant de Jésus-Christ et tu le verras s'accomplir. Oh Dieu, donne-lui ce que le cœur te demande à cause de ce, car tu peux faire au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour cette bonne parole? Alléluia. Notre Dieu, pour cette bonne parole ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, nous prions que Dieu continue à amplifier cette parole dans nos cœurs. Lui qui connaît les besoins de chacun, connaît les attentes de chacun d'entre nous, qu'il continue à nous édifier. Alléluia. Nous disons beaucoup, merci beaucoup pour cette parole. Et nous voulons, à la suite des enseignements ce matin et depuis dimanche dernier, confirmer. Nous continuons avec notre programme de prière, ce que nous appelons la prière de Sion. La prière signifie que vous prenez un choix d'un jour de la où vous venez ici chaque matin de 6h à 7h. Vous priez pour vous-même, vous priez pour l'église, priez pour et tout autre fardeau que le Seigneur peut mettre dans jusqu'à ce que je voie le salut que Dieu, je vais continuer à invoquer le Seigneur. Voilà, toute la semaine de samedi, nous sommes les bienvenus. Et à même continuer à remercier toute l'église pour votre zèle, comme nous continuons à être enseignés, engagement pour servir le Seigneur par la prière, par la physique, par nos contributions, dîmes, offrandes et tout ce que nous met à cœur. Vous savez, l'œuvre du Seigneur ne peut pas sans notre contribution tous. Et si Dieu doit envoyer de la provision au milieu de son peuple, c'est au travers de toi et de moi. Donc Dieu continue à vous bénir et à multiplier vos avoirs afin que nous soyons nous-mêmes autosuffisants, nous continuer à soutenir son œuvre. Amen. Nous prions que cette semaine nous soyons encore mobilisés parce que nous allons à notre réunion de cellules chaque lundi, donc le lundi, et nous aussi les marches de prière le mercredi, comme nous avons le programme, et dans la cellule c'est de 17h à 18h. Jeudi, le département des femmes confirme de prière de 8h à 10h. Vendredi, ce sera notre louange adoration à partir de 15h. Et le samedi, également le culte de la jeunesse. Maintenant, je voudrais une modification dans tout ce qui a été communiqué un peu avant, spécifiquement en ce qui concerne les cultes des enfants. Vous le savez, qu'on a commencé à en parler, nous avons annoncé que le culte passe le samedi. Alors, il s'est fait que certains paramètres ont été analysés. Les conseils de l'église, l'école de dimanche, nous avons remarqué deux choses qui pouvaient nous pousser à modifier le programme. La première, que tous ceux qui sont moniteurs, nos bien-aimés qui servent comme moniteurs et moniteurs, il y en a qui travaillent le samedi et par conséquent un peu exigeant pour eux. Et même ça peut être une cause d'en venir faire le travail des cultes des enfants le samedi. En même temps, nous avons reçu certaines réclamations ou recommandations des parents qui estimaient que ça peut être un peu lourd de payer le sport et le samedi et le dimanche, surtout aussi la séance d'enfants. C'est comme cela que le conseil de l'église a dit le culte des enfants le dimanche. Ça signifie que vous avez fait le choix pour le premier culte, le deuxième ou le troisième. Vous venez avec vos enfants au culte de votre choix et le département de l'Écodim sera prêt à encadrer. Maintenant, une autre précision, c'est que tous les enfants sont accueillis, c'est de 3 ans à 17 ans. Si au moins de 3 ans, nous allons prier aux parents de prendre les enfants pour éviter, comme on a quand même des exigences à l'école de gestion des enfants, les moins de 3 ans sont gérés par les parents. Et le bâtiment nouveau qui est là derrière, c'est celui-là qui a des enfants d'entre 3 ans et 6 ans, la classe A et la classe B. Lorsque vous amenez vos enfants dans ces nouveaux bâtiments, l'école de Dourémer et Macaron qui vous permet de venir récupérer l'enfant. Donc, si on vous a remis un macaron, c'est sur base de ça que vous venez récupérer l'enfant. Cela permet que nous puissions d'attéage, mais aussi ça permet d'accroître la sécurité, comme c'est sur l'enfant. Et à la fin du culte, si papa et les aînés étaient ici au culte, c'est une seule personne qui sera autorisée d'aller récupérer l'enfant, moyennant les macarons. Et tous les autres enfants, de taille au-delà, seront dans le bâtiment ici derrière, juste à côté. Voilà, nous voulons en même temps demander à tous les moniteurs et monitrices de rester après le troisième culte pour un an par rapport à la préparation de ces cultes déjà de consignes. Tout à l'heure, je vais inviter les fiancés, se marier. Je vous prie d'être déjà prêts comme on a une petite contrainte. Alors, nous avons au sens, c'est qu'une cellule nouvelle est créée, quartier Keshero, chez Papa Junior Bam. Ceux qui habitent Keshero, avenue de l'abattoir, numéro 70, référence à Rekituk, la cathédrale. Voilà un endroit où vous pouvez adorer le Seigneur. Et le Paul nous donne ces quelques consignes. À la sortie, s'il vous plaît, ne faisons pas la trotte, parce que ça fait partie aussi de récompenses pour quand même garder ces mesures. Lorsque nous clôturons, il y a les protocoles qui seront, les membres du protocole seront à côté pour nous orienter, rangée par rangée, pour sortir, éviter l'attroupement. Et tout à l'heure, lorsque je vais inviter qui se marie le samedi prochain, je sais qu'ils ont d'amour ou d'affection. Vous pouvez avoir la tendance à porter les fiancés, je ne sais pas, les fleurs, leur donner une accolade. Nous ne le permettons pas pour raisons que vous connaissez. Si vous voulez le faire, en tout cas, faites-le en dehors de ce cadre. Ça ne sera pas bien que vous puissiez venir ainsi de suite. Nous serons en train de briser les mêmes principes que nous avons ensemble. Donc, ne maintenez pas rigueur les signes du protocole. Alors, je voudrais rapidement inviter frère Lukala Christian et la sœur Kavira Nicole, Sereka Sylvie Fataki, Ricky Kambale Moulial, Jules Cambéré et Dorcas Kabou. Est-ce que je peux vous voir rapidement et on les encourage? C'est où, Nicole, Christian? Voilà, c'est le premier couple. Kassereka et Sylvie, c'est lequel? Très bien. Les autres, vous attendez, je vais vous appeler tout à l'heure. Ricky Kambale et Mouliata. Ricky, merci beaucoup. Jules Cambéré et Dorcas. Voilà, les quatre couples, ils sont en train de se marier le samedi prochain et nous allons prier qu'ils puissent les accompagner. Maintenant, je vais ajouter la liste qui vont venir. Vous allez vous mettre aussi là-bas. Augustin Senga et Dolphine Zaina, Mouindo Freddy et Yvonne, Mwanga Simon et Rose Marie Kapisa, Fiti et Rachel Katungu. Très bien le Seigneur. On le fait très très bien. Alors, Ogenga et Adolphine, c'est où le couple? Moi ici. Mouindo Freddy, Yvonne Fatouma. Voilà. Voilà, merci. Mwanga Simon et Rose Marie Kapisa. Même bénisse. Pacifique Rui et Rachel Katungu. Voilà, Pacifique. Ok, Pacifique n'est pas avec nous, il est à le culte à distance à Corée du Sud. Nous te saluons là où tu es et que Dieu vous donne des bonnes fiançailles. Donc, les amis qui sont là de se marier le samedi, comme je le dis, et les bien-aimés qui sont là, les quatre couples qui sont ici, ils sont à fiançailles. Donc, continuez à prier pour eux jusqu'à ce que Dieu leur couple à arriver au bout de leur processus. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez des flambeaux qui s'allument et au travers de vous que nous voyons la gloire de Dieu. Vous pouvez retourner. Et bon mariage pour ceux qui se marient. Bonne fiançaille. On les accompagne très bien. Alors, avant de clôturer, je voudrais, auditeurs, si vous êtes venus prier avec nous la première fois dans ce culte, est-ce que vous pouvez lever simplement votre main? Et nous sommes heureux. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On acclame très visiteurs. Nous sommes heureux. Merci beaucoup. Alors, nos visiteurs, Prenez votre sac, suivez notre protocole qui va vous orienter afin de vous accueillir et vous dire comment nous servons le Seigneur ici. Suivons la dernière communication avant de clôturer le culte. Alléluia. La dernière communication, c'est que dimanche prochain, nous allons avoir Sainte-Sainte. C'est-à-dire la table du Seigneur. Nous préparons à cet effet, à ce que nous allons y participer, et ça fait longtemps, finalement. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble à temps, et le service va bien se passer, n'ayez pas de par rapport à dire, tout cela va être observé, et Dieu va nous aider. Alléluia. Qui a soif avec le Seigneur? Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous dimanche. Nous allons nous tenir debout et clôturer. Confessons la grâce. Oui, bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Passez un bon dimanche. Bénisse. Nous suivons les protocoles.